Bonjour Serena. Bonjour Paulin. Aujourd'hui, deuxième partie du Top Cruise, les meilleurs films. Oui. Top. C'est les Top Cruise. Donc Serena, tes films préférés, le meilleur film pour toi? Pas évident. Beaucoup de mentions spéciales. Allez. Tournée des mentions. Moi, je mettrais en mention spéciale quand même La couleur de l'argent. Ouais. C'est un bon film, ça. C'est un bon film. Bon. Et c'est bien. Je sais pas, il y a un truc. J'adore son personnage. J'adore les personnages. Oui. C'est hyper touchant. C'est triste. T'as un petit twist, de belles images. Bon, voilà. Mention spéciale. C'est une belle mention, ça. Et Edge of Tomorrow aussi, une mention spéciale. Je sais que tu l'aimes bien, celui-là. Je l'aime bien, en fait. Oui. Il y a un truc qui me... Voilà. C'est un peu mon Jack Reacher à moi aussi. C'est ton Jack Reacher. Ça fait un petit truc au cœur où je me dis, c'est la première fois où vraiment je me suis dit, ah, Tom Cruise. Je vois. Donc, voilà. Après, au numéro 3, bien sûr, j'ai fait un ex-aequo entre Magnolia et Taps, parce que... Ah ouais, c'est bien ça, mais c'est chouette. À chaque fois, Taps revient. Taps, c'est vrai que c'est un bon film. Oui, en plus c'était vraiment une surprise, je ne me l'attendais pas du tout. Tu vois, Magnolia, à la rigueur, je me l'attendais, en plus je l'avais déjà vu, mais Taps, vraiment pas quoi. Je pourrais le revoir tranquillement, et même le conseiller, tu vois. Ouais. Bon, voilà. Au numéro 2, moi j'ai mis Mission Impossible 1 aussi. Il est trop bien. Il est trop bien. On n'est pas concerté sur les tops, on est quand même à peu près pareil. On n'est pas loin. Mais au numéro 1, j'ai mis Ice Watch. Bah oui, ça je me doutais bien que il est trop bien. J'ai encore des images vraiment incroyables. Après, il y a un truc qu'il faut dire, il y a toute une partie qui m'a un peu fait chier. Je vais vous dire, c'est pas que du... Non, mais c'est pour dire à quel point il est quand même balèze, ce film. C'est quand même la partie qui te fait chier. C'est ton film préféré de Tom Cruise. Ouais, quand même. Je trouve... Après, c'est pas celui qui met plus en valeur Tom Cruise, pour le coup. Mais il y a un truc... Oui, il est mythique, ce film. Même la chance... ces trucs avec les masques, je sais pas, moi, ça me marquera pour toujours. Voilà. Et les arbres de Noël, et les camembert, mystère, la mythologie autour de ce film. Donc moi, vraiment classique. Ice Watch Shot. Bam. Merci, au revoir. C'est con, en fait. Je suis trop influençable. Kubrick. On te met Kubrick, c'est voilà, bon. Voilà, c'est bon. Oui. J'ai dit oui. Mais voilà, ouais. Donc, Ice Watch Shot, Mission Impossible, Magnolia, Taps. Eh bien, bravo. Serena, c'était le dernier épisode de ce calendrier de l'Avent, de ce petit compte à rebours. Normalement, aujourd'hui, vous écoutez et dans la foulée, vous allez aller ce soir ou je sais pas quand, vous allez voir Mission Impossible Dead Reckoning Part 1. Ouais. Le nom est nul, le film est sûrement bien, on sait pas. On a trop envie de le voir. Au moment où on enregistre, on sait pas. Là, au moment où vous écoutez, ça se trouve, nous, on est déjà dans la salle. C'est sûr, dès le matin. Mais c'est aujourd'hui qu'il sort. On en reparle, vous nous envoyez des messages, vous nous dites c'était super ou c'était nul, ou j'y retourne encore une autre fois, ou je vous invite, je vous paye la place, vous prends du pop-corn, je sais pas. Mais grave, enfin, tu vois, allons tous voir. On s'appelle et on retourne voir Mission Impossible, quoi. Mais grave. Et l'année prochaine, on ira voir la partie 2. C'est incroyable. C'est fou. Tant de films. Voilà, donc nous, on était contents d'avoir fait ce petit compte à rebours. En attendant. Ça nous a permis de revenir, c'était cool aussi, de finir la saison et de revenir un peu sur tout un tas de thématiques qu'on a peut-être un peu abordées, pas forcément, et puis de faire ça un petit peu de manière un peu concon, mais ouais, ça nous a fait marrer, quoi. Et en plus, on a découvert les tops les uns des autres au moment de l'enregistrement, donc c'est sympa, quoi. Oui, il faut dire que peut-être les meilleurs films jamais faits de Tom Cruise, c'est celui à venir. C'est celui à venir, c'est toujours ça. Bah, voilà, c'est celui qui sera dans l'espace, avec Spielberg, où il fera des cascades de fou. Avec Jack Campion. C'est ça. Voilà. Ça, après, c'est tous les fantasmes qu'on a sur la carrière de Tom Cruise, qui n'arriveront peut-être pas, mais bon. Peut-être. On verra. Et on se retrouve, on sait pas quand, on verra. Vous, de toute façon, vous nous continuez de nous suivre. Vous voyez à droite, à gauche où on est. Et puis, il y a bien un moment, il y aura une petite info qui va sortir. D'ici là, on vous souhaite un bon film. Si bien vous sûr. Allez voir Mission Impossible. Des bonnes vacances si vous êtes en vacances. Profitez-en sur la route. Vous savez pas quoi faire. Un petit podcast de cruise control. Comme ça, vous refaites les vieux. Puis, vous regardez le film le soir. Enfin, voilà, faites c'est ça. Super. Vous conseillez à tout le monde. Dans le camping, quand vous allez prendre votre douche, vous conseillez à quelqu'un. Je sais pas. À après, la mer. Ou tu à la mer. À quelqu'un. Tu en rando, tu croises un castor, tu les racontes. Enfin, voilà, vous faites un petit peu la publicité tranquillement. Vous avez tout l'été pour faire ça. C'est et super. Puis on se retrouvera plus tard. On vous fait tous des bisous. Et à très bientôt.